chez son groupe, il y a 2 ans à peine. Un chômeur en déroute, le fils de la pharmacienne. Un bassiste de Toulouse, un batteur Luke et Harlem. Un mélange de jazz and blues, version new wave africaine. Il a vendu sa mob et le cuir de son blouson. Sacrifié à la mode, une musique sans concession. Depuis le temps qu'il rame sur le sable au fond d'une cave, je peux vous dire, messieurs, dames, qu'un de ces jours ça va faire grave. Quand Jimmy dit what I say, I love you baby, c'est comme qu'il irait toute la province qui chante en anglais. Jalousie, voyage en minibus, hôtel de troisième zone. Il a tout et même plus pour finir Rolling Stone. J'aime sa petite gueule d'amour, je le suis dans sa galère. Et je suivrai toujours, puis je peux pas m'en défaire. J'ai caressé son jean, j'ai dormi sur sa guitare. Chaque fois que je l'imagine, ça fait bizarre, bizarre. Quand Jimmy dit what I say, je savais depuis longtemps qu'il quitterait Montbéliard. Et si Paris me le prend, c'est que c'est vraiment une star. Quand Jimmy dit what I say,